Chapitre 8e. Départ de Tobolsk. Il était 10 heures du soir. Les brises d'une nuit calme nous apportaient les fraîches senteurs des bouleaux. Peu à peu, les rives de l'Irtige, disparaissant, s'effaçaient dans une brume transparente. Le ciel, tout parsemé d'étoiles, nous inondait de ses douces clartés. Hélas, chaque sillon du navire m'éloignait de toutes les affections de mon cœur, me séparait plus irrévocablement de la Pologne. Nuit de méditation, de tristesse, et dont le souvenir ne me quittera plus. Ma compagne d'exil et moi nous restâmes sur le pont sans échanger un mot, et comme si nous redoutions de nous communiquer nos appréhensions pour l'avenir. Avec l'obscurité croissante, un profond silence se fit autour de nous. Les passagers et l'équipage, sauf les hommes de service, étaient plongés dans le sommeil, et nous, les yeux fixés dans l'espace, nous voulions retenir les objets qui s'éloignaient, et nous n'apercevions plus que les petits jets de lumière qui s'échappait de distance en distance des cabanes tatares. Au milieu de cet isolement solennel, je rêvais au passé, je méditais sur les hasards humains, mais saisi par l'intensité du froid de la nuit, je dus descendre dans ma cabine où je cherchais vainement le sommeil. À l'aube du jour, j'avais compté les heures, je fis ma toilette et je remontai sur le pont pour voir l'aspect du pays et pour demander où nous étions. Hélas, nous n'avions encore fait que 20 verstes. Tout découragé, je regagnai mon pauvre asile. Pauvre est le mot, car il n'y avait dans cette cabine qu'une seule chaise et un lit médiocre. Cependant, le jour qui pénétrait par une étroite fenêtre me permettait de lire et d'écrire. Vers le milieu de la journée, j'aperçus les hauteurs de Bronnikov et de loin en loin quelques cabanes et des terres cultivées, mais ces traces de la vie et de la vie active étaient rares. Outre le capitaine, les matelots et les gens de service, il y avait sur le navire deux marchands de Tobolsk, puis Madame Yashchenko, mère du gouverneur de l'école militaire de Berezov. Le chargement du navire se composait en grande partie de farine. Cet approvisionnement, destiné à Berezov, était échangé contre du poisson et divers produits du pays. Les sacs de farine nous furent d'une grande ressource, et dans l'absence de tout confortable, ils nous servaient de table à manger et de siège pour nous asseoir. 19 mai 1839. J'inscris cette date, mais elle demeura éternellement gravée dans ma mémoire. Pendant un espace de temps qu'il m'est impossible de mesurer, j'étais entre la vie et la mort. Je vais essayer de raconter cet événement que les miens liront avec intérêt, si jamais ce récit leur parvient. Le jour commençait à paraître, ma compagne dormait encore, j'ouvris la porte de ma cabine et me disposai à monter sur le pont pour contempler les premiers rayons du soleil, mais l'odeur du goudron, du cuir et des salaisons me repoussa tellement que je dus renoncer à mon projet. Je rentrai dans ma cabine, et pour me rafraîchir de l'air pur du matin, j'ouvris une petite porte qui donnait sur la rivière. Un des canots se trouvait à ma portée, je ne résistais pas et sautai lestement dans la frêle embarcation. Pendant un moment, j'éprouvais un bien-être indicible. L'eau limpide et brillante m'enveloppait de ses vapeurs, le ciel resplendissant me réchauffait de ses rayons, aucun bruit humain ne troublait mon extase. J'avais presque oublié l'exil et les menaces de l'avenir. Tout à coup, une forte brise souleva le canot et je compris mon imprudence. Je fis alors des efforts pour me rapprocher du navire, mais ce fut en vain. J'appelais à mon aide et ma voix se perdait dans l'espace. Par un mouvement désespéré, je me saisis de la corde qui attachait le canot. Je me crus sauvé. D'une main, je me cramponnais à la corniche du navire, mais le poids de mon corps repoussa le canot et je restai suspendu dans l'espace, me sentant affaibli, haletante et perdu de terreur. Enfin, mes cris désespérés arrivèrent aux oreilles d'un passager. C'était un des marchands de farine. Je ne dois pas oublier son nom, parce qu'il m'a sauvé la vie. Il s'appelle Korpamov. Sans calculer le danger, il saute dans le canot, le pousse vers le navire, me prend par les épaules et me fait remonter ainsi sur le pont où je tombe inanimé. À ce moment, les passagers et les gens de l'équipage venaient de se réveiller. Un cri s'échappa de toutes les poitrines. La Polonaise s'est noyée. Ma compagne, entendant ces clameurs, se précipita vers moi, et un serrement de main vint lui prouver que je n'étais pas morte. Mais au travers de ces événements pleins de péripéties et d'angoisses, il se produisit un incident burlesque. Je veux parler du désespoir du Cosaque qui avait la mission officielle de me garder à vue. Ce pauvre homme pleurait, s'arrachait les cheveux, levait les yeux au ciel et jetait sur moi des regards effarés. Touché de me voir l'objet d'une sensibilité qui n'avait rien de russe, je trouvai assez de force pour dire au malheureux Cosaque : je vous remercie de votre intérêt, mais consolez-vous, je ne mourrai pas. Tant mieux pour vous, me répondit-il, et surtout tant mieux pour moi. Je réponds de vous, et si vous aviez péri, c'était moi, moi innocent, que l'autorité aurait puni. Dans ce cas-là, l'autorité n'admet pas les circonstances atténuantes. 21 mai. Quelques heures de repos suffirent pour m'en remettre. Ma bonne nature prend vite le dessus. Quelle aide que la jeunesse! L'espérance n'est-elle pas toujours blottie au fond du cœur? On souffre, mais on pense à demain, et demain vous sourit. Le temps n'a pas contribué à la prompte amélioration de ma santé. L'atmosphère est froide, brumeuse et bien en harmonie avec les pays que nous traversons. Partout, des terres incultes, où, ça et là, à de grandes distances, des mélèzes, des cèdres et des sapins. Le vent souffle avec une telle violence que le navire a dû mettre à l'ancre. La pluie tombe à torrents. Après un temps d'arrêt plus ou moins long, le navire se remet en mouvement, mais l'orage n'était pas encore calmé complètement et l'embarcation, fouettée par les rafales, plongeait dans la rivière, tantôt sa poupe et tantôt son gaillard d'arrière. Plus nous avancions vers le nord, et plus l'aspect de la nature était aride. Nous étions dans la saison où les jours croissent avec une telle rapidité que le coucher du soleil est à peine séparé de son lever. Après Demiog, on trouve Samarov, le point le plus important entre Tobolsk et Berezov. En cet endroit, l'Irtych vient se jeter dans l'Oby. On découvre des sites de la plus étrange magnificence et on doit s'incliner devant l'impénétrable volonté de Dieu qui crée de si étonnants contrastes. 24 mai. En quittant Samara, nous entrâmes dans les eaux de l'Oby. Immense et merveilleux spectacle. L'Irtych ne se perd dans l'Oby qu'après avoir parcouru une très longue distance. Les deux fleuves, avant de se mêler, de s'unir en quelque sorte, marchent parallèlement sans se confondre. Ils forment deux larges rubans très distincts, en conservant leur couleur, leur aspect divers. Les eaux de l'Irtych, venant des steppes kirghizes, sont troubles, bourbeuses, et celles de l'Oby, issues des montagnes, sont pures, limpides, malgré la nuance foncée de leur surface. Ce dernier fleuve se déroule en serpentant sur une vaste plaine, où il forme d'innombrables îlots, tout verdoyants de sol et de plantes marines. Nous approchons de la fin de mai, et le froid est encore d'une âpreté extrême. Ici, les arbres ont des feuilles. Un peu plus loin, la nature a conservé les stigmates de l'hiver. Partout des contrastes, et ce qu'on a devant les yeux ne peut donner une idée de ce que l'on verra plus tard. Notre navigation nous conduit le long du pays des Ostiaques, où l'on trouve une espèce de civilisation, ou tout au moins quelques ressources, et nous pûmes nous procurer des vivres pour le reste de notre voyage. Les matelots qui avaient abordé et qui se chargeaient de nos commissions nous dirent que si nous le voulions, il nous serait facile d'acheter une vache à très bon compte. L'ordre fut immédiatement accepté, et nous fûmes bientôt en possession d'un bel animal de cette espèce. J'eus donc le plaisir d'inviter les passagers à prendre le thé et le café. Tous s'en réjouirent, il y avait si longtemps que nous étions privés de cette bonne habitude.